Mosaïque. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous nous captez. Bienvenue dans l'émission Mosaïque d'aujourd'hui. Une année vient de s'écouler, alors que les Burundais, en particulier les habitants de la capitale Bujumbura et ses environs, vivent dans des conditions d'insécurité presque permanentes. Depuis le début de cette crise, beaucoup de personnes sont mortes. Les chiffres sont un peu diversifiés selon les différentes organisations de défense des droits de la personne humaine, nationales et internationales. La Commission nationale des droits de l'homme, CNIDH, a dénombré 381 personnes tuées jusqu'en décembre 2015. Les Nations Unies ont confirmé plus de 400 cas de décès, mais aussi 345 personnes torturées depuis le début de l'année 2016. Amnesty International, la Fédération internationale des droits de l'homme et la Ligue ITK parlent de 700 personnes déjà assassinées et 800 portées disparues. Le gouvernement de la République du Burundi reconnaît à travers le ministre des droits de l'homme, des affaires sociales et du genre 400 personnes tuées en se référant sur les chiffres de la CNIDH. Plus de 250 000 personnes ont quitté le pays, craignant l'insécurité grandissante. Pour parler de tout cela, nous avons autour de nous trois invités. Le premier invité est le porte-parole de la police nationale, Pierre Ngurikiye. Bonjour. Bonjour et je salue tout le public. Bienvenue dans cette émission Mosaïque. Merci. Le deuxième invité est frère Emmanuel Nakarutimana. Vous êtes du centre Ubunu et vous avez été à la tête de la Commission nationale des droits de l'homme et CNIDH. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue aussi dans cette émission. Merci beaucoup. Le troisième invité est Assian Sibomana, un des hommes politiques de l'opposition. Bonjour. Bonjour, je salue les auditeurs. Et bienvenue également dans cette émission Mosaïque. Marie-Ange Nzeimana vous présente cette émission. Séraphine Rakizimana sur la mise en onde. Encore une fois, bienvenue. Mosaïque. Et pour entrer dans le vif du sujet, la première intervention est accordée au porte-parole de la police nationale. Vous avez entendu les faits et leur appréciation selon les avis des uns et des autres. Comment vous appréciez la situation sécuritaire en ce moment? Merci de m'accorder la parole en premier. Je dois dire que actuellement, la situation sécuritaire est globalement bonne sur toute l'étendue du territoire de la République. Il y a bien sûr quelques cas de criminalité de droit commun et des crimes inhabituels, surtout ces assassinats ciblés, dérogradés, qui ont été observés surtout depuis le début de cette année, mais qui avaient commencé au milieu de l'année passée. Voilà, la situation est globalement bonne, malgré ces cas de criminalité auxquels les forces de sécurité font face. Tassian Sibomana, comment vous appréciez justement la situation sécuritaire aujourd'hui? Oui, je crois que ce n'est qu'un secret pour personne. La situation sécuritaire s'est dangereusement détériorée depuis le déclenchement de la crise que nous vivons aujourd'hui. Et cela se traduit par des chiffres qui peuvent être contradictoires, certes, mais qui signifient ce que ça signifie. Il y a des personnes qui ont été tuées. Quand les services publics le connaissent, 400 personnes, c'est déjà trop. Pour dire que la réalité est tout autre. Il y a des personnes qui ont été portées disparues. Là aussi, c'est par centaines. L'exactitude des chiffres n'est pas nécessairement celle qui est donnée ni par les uns ni par les autres, parce que moi, je ne crois pas encore que le nombre exact des personnes tuées ou des personnes portées disparues est vraiment disponible pour le moment. Et à part ces personnes tuées, à part ces personnes portées disparues, il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées. J'ai été à l'office du haut commissaire pour les droits de l'homme au Burundi et ils nous ont donné des chiffres à dormir debout parce qu'ils nous parlent déjà de 6000 personnes qui auraient transité dans les maisons d'arrêt ou dans les différents cachots depuis la crise jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que parmi ces personnes, il y en aurait qui seraient déjà libérées. Mais déjà, le fait d'avoir fait au moins 6 000 personnes qui ont été recensées de façon officielle, c'est quand même un chiffre assez parlant. À part celles-là, donc, il y a plusieurs centaines de milliers qui ont pris le chemin de l'exil et qui continuent d'ailleurs de fuir leur pays, sans parler d'autres faits et gestes. Il y a des tortures, il y a même des autorités qui ne sont pas en sécurité. Avoir voir comment elle circule dans les différents quartiers, elle circule même sur la voie publique. Ça se remarque qu'eux-mêmes, elles-mêmes, ne sont pas sécurisées, ni moralement, ni physiquement. Et quand les autorités se trouvent dans cet état, il en va de soi que la population se trouve dans un état encore plus critique. Mmh. Donc pour vous dire vrai que la sécurité, c'est détérioré depuis le début de la crise jusqu'à aujourd'hui. Frère Emmanuel Nakaltumana, comment vous appréciez la situation sécuritaire aujourd'hui? C'est une situation qui a évolué en dents de scie parce que si vous prenez les pics comme avril-mai 2015 ou ce qui s'est passé en décembre 2015 et autour, et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce n'est pas exactement la même situation. Mais quoi qu'il en soit, il y a un climat généralisé d'insécurité qui a prévalu lié au contexte politique qu'il faudra bien discuter. La sécurité, malheureusement, on a tendance à la considérer au niveau des violations du droit à la vie, avec les morts, les assassinats. Mais la sécurité, c'est quelque chose de beaucoup plus global, beaucoup plus complexe. Parce que si on est dans une situation où les atteintes au droit à l'intégrité physique, le droit à la liberté de circulation, à la liberté d'expression, une variété de droits publics ne sont pas assurés, ça veut dire que, en fait, ce qu'on appelle la sécurité humaine n'est pas assurée. Alors maintenant, bien entendu, aujourd'hui, si on circule dans la capitale, ici à Bujumbura, ou à l'intérieur du pays, par rapport au droit à la vie et à l'intégrité physique, il y a eu une amélioration, ce qui ne veut pas dire une stabilisation positive complète. Et de toute façon, en circulant dans la ville de Bujumbura ou à l'intérieur du pays, en voyant la position des concertinas, en voyant la psychologie des policiers autour des positions, on peut sentir si la tendance est plutôt positive ou s'il y a une régression. Mais il faut dire que la question de la sécurité reste quelque chose de préoccupant. Et aussi, quand il y a une psychose d'insécurité au niveau médiatique ou avec les déplacements de population à l'extérieur du pays, il y a quand même un problème global qu'il s'agit de prendre en compte. Et comme la sécurité n'est pas quelque chose d'autonome en elle-même, elle est liée à tout un contexte, à une situation politique. Et visiblement, quand il y a des problèmes politiques et que les solutions politiques ne sont pas encore trouvées, les situations de sécurité auxquelles on peut aboutir ne restent que provisoires et transitoires en attendant qu'il y ait la stabilisation politique de la société. À Pierre-Wilkie, les différentes organisations des droits de l'homme disent que la plupart des exactions sont commises par les forces de l'ordre. Ils parlent d'arrestations arbitraires, exécutions extrajudiciaires. Quelle réaction face à ça? Nous pensons que ce sont des allégations purement fausses et qui ne sont pas fondées, qui sont plutôt politiquement motivées. Les forces de l'ordre sont chargées d'assurer la sécurité des personnes et de leur bien. Elles ne sauraient donc pas faire le contraire de leur mission. Et plutôt, les forces de l'ordre protègent la population en faisant des enquêtes, en arrêtant les criminels et en les traduisant devant la justice. Et la réalité est celle-là. Il y a les organisations de défense des droits de l'homme qui ne sont pas même nationales et internationales. La plupart de ces organisations soi-disant de la défense des droits de l'homme, on le sait bien, ils ont fait partie activement du mouvement insurrectionnaire et c'est eux qui produisent des faux rapports. La plupart de ces gens actuellement sont basés à Bruxelles ou à Kigali et ils parachutent des chiffres juste pour acquiser les forces de l'ordre. Tassien Sibomana, les différentes organisations des droits de la personne humaine parlent que la plupart des tueries ou exactions, arrestations arbitraires, exécutions extrajudiciaires sont commises par les forces de l'ordre. Oui, je pense que la plupart effectivement sont commises par les éléments des forces de l'ordre. Pourquoi? D'abord, au niveau de ces organisations, je ne crois pas qu'elles aient intérêt à soutenir une partie ou une autre dans cette crise burundaise. Et d'ailleurs, je suis surpris quand j'entends des hommes au pouvoir dire que les organisations internationales, certains pays travaillent avec des ONG locales, alors que le gouvernement dispose de tout un arsenal diplomatique pour ça. Est-ce que finalement, les ONG locales sont devenues plus puissantes que le gouvernement qui dispose de missions diplomatiques et consulaires de par le monde? Ça, quand même, il y a moyen de se poser cette question. Mais sinon, ces arrestations dont on parle, ces exécutions, ces tortures, sont commises pour la plupart au vu aussi de tout le monde. Les gens sont ramassés en présence des autres. C'est pendant la journée ou c'est pendant la nuit. On voit les véhicules qui circulent. Ce ne sont pas des véhicules étrangères. Quand on parle de torture, est-ce que l'armée ou la police peuvent nous dire qu'aujourd'hui il y a une zone qu'elle ne contrôle pas, qui peut être le lieu où on fait torturer des gens à l'insu de la police ou de l'armée? Jusqu'aujourd'hui, je pense que l'armée et la police ne nous ont pas encore dit qu'il y a une zone qu'ils ne contrôlent pas, où on peut supposer qu'il y a des zones de torture qui échappent au contrôle de nos corps de défense et de sécurité. Donc, pour vous dire que ce qui est dit quelque part, pour moi, j'y apporte un minimum de crédit. Parce que, autrement dit, je pense que nous sommes en face du porte-parole de la police. S'il parvient à prouver au peuple burundais ou à la communauté internationale qu'il y a des zones qui échappent à leur contrôle, là, ils peuvent s'en défendre. Mais faute de quoi, je pense que les allégations ont leur fondement. Oui, Pierre Mouriquier s'est révélé dans les différents rapports des organisations des droits de l'homme. Est-ce que vous vous contrôlez justement, ou vous êtes sûr de ce qui se passe dans les cachots? J'ai déjà dit que ces allégations ne sont pas fondées. Le ministre des droits de l'homme, il a reconnu qu'il y avait des groupes qui opéraient au nom de la documentation et au nom de la police, qui kidnappaient les gens dans des voitures justement fumées ou des pick-up. Et les gens se demandent pourquoi est-ce que ça s'observe jusqu'aujourd'hui. C'était des cas d'enlèvement. Je pense qu'on a même donné des exemples. Et il y a des criminels qui s'octroyaient la qualité des forces de l'ordre et qui enlevaient les gens, puis les tuaient par après ou alors demandaient des rançons. Et la police a fait face à ces criminels et la plupart ont été appréhendés. Mmh. Et il y a beaucoup de personnes, plus de 50 personnes ont été libérées par la police, alors que ces gens-là étaient enlevés par ces criminels. Actuellement, le phénomène a régressé. Il y a un seul cas où un militaire a enlevé une personne, un taxi-motard, vers Moaro. Puis le taxi-motard n'a pas été retrouvé. Mais le militaire, homme de troupe, a été appréhendé par la police. Un dossier a été confectionné. C'est le seul cas où il y a eu implication d'un membre des forces de l'ordre dans de tels crimes. Chaque jour à la radio Isangani, nous recevons quelqu'un qui vient dire eh bien voilà, je viens ici, aidez-moi à retrouver ma sœur, aidez-moi à retrouver mon frère. Il a été pris par la police et puis on ne sait pas le retrouver chaque jour. Je pense que ce n'est pas vrai dire que chaque jour. Ça c'est vrai, il y a des reportages, même hier on l'a fait. Alors que, par exemple. Même hier. Hier, ouais. Mais ce n'est pas tous les jours. Je dois dire qu'ici, il faut orienter la population. Et je répète ce que j'ai déjà dit. Et s'il y a une personne qui est appréhendée par les forces de l'ordre, c'est une personne qui est recherchée par la justice pour des crimes. Et nous demandons à la famille d'approcher la police locale de l'endroit où la personne a été appréhendée. Il faut aller chez le chef de poste. Pour chaque commune, il y a un chef de poste. Aller lui demander plutôt la personne qui a été appréhendée, où elle a été amenée et comment évolue son dossier. Oui, justement, en cette période, on voit qu'il y a manque de confiance de la population à la police. Tassien Sibomana, qu'est-ce qui explique que les gens viennent plus dans les radios au lieu de s'adresser à l'administration ou au lieu de s'adresser à la police, justement, comme ils font des appels tous les jours, que les habitants doivent se confier aux forces de l'ordre et à l'administration? La réponse est très simple. Il faut que la police change de comportement dans ses agissements. Ça veut dire que si la population a été terrorisée par des enlèvements effectués par les éléments de la police, ces camionnettes qui circulent, même ceux qui sont arrêtés arbitrairement, ils sont conduits quand même. Oui, mais on sent beaucoup plus la parole. Oui, monsieur le porte-parole, le commissaire à mairie de Bujumbura, l'ex-commissaire à mairie de Bujumbura, avait reconnu qu'il peut y avoir certains policiers qui peuvent s'allier à ces groupes. Donc, la confiance, ça se mérite. Et ça ne se fait pas par simple discours ou par simple appel à faire des dépositions. Ça se fait, ça se mérite par des actes qui sont posés sur le terrain. Aussi longtemps que la police ne se réévalue pas dans ses actes, et qu'elle pose au vu et au su de toute la population, la confiance sera très difficile à acquérir au niveau de la population. Ça, c'est un fait. Deuxième aspect, bon, si je peux croire un peu à ce que dit le porte-parole de la police, que c'est 80% de personnes enlevées ou portées disparues, la responsabilité incombe, comme il aime le dire, aux résidus de ce qu'il appelle le mouvement insurrectionnel. C'est d'après les enquêtes que vous menez. Oui, je suis en droit de me poser une question. Parmi ces 80%, est-ce qu'ils ont été arrêtés par la police? Est-ce que objets du crime, sûr, notamment les véhicules utilisés, bien sûr, ont été saisis? Est-ce que les éléments de la police ou de la documentation, d'après lui, n'ont aucune responsabilité dans cette affaire? Parce que quand même, il y a des gens qui sont régulièrement cités, il y en a qui ont été vus dans des quartiers, il y en a même qui ont monté à l'intérieur, qui ont amené déjà... J'ai entendu parler de quelqu'un qui a été arrêté à Kirundo, qui a été amené dans un véhicule de la police, et maintenant on ne sait plus où il est allé. Je vous réfère, monsieur le commissaire, au dernier débat parlementaire, où il avait invité trois ministres, je crois, celui de la Défense, celui des Relations extérieures et celui de la Sécurité publique. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, pour abonder dans notre sens, a donné des cas concrets au ministre de la Sécurité publique de quatre personnes qui ont été enlevées à Bougarama et où on ne sait plus où ils sont maintenant, s'ils sont en prison ou pas. Et la police avait été informée de ça. Il a fait cas de deux autres personnes, je pense, dans une localité de Bujumbura. Et après quelques minutes, on a coupé le micro sur lui. Donc, ceci pour vous dire, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Vous avez beau vous défendre, c'est pas tout le monde, ça c'est certain. Mais il y a des éléments, c'est même criant. Il y a beaucoup de véhicules qui ont été vus et qui sont connus. Même ceux qui conduisaient ces véhicules sont connus. Il faut le dire. Vous dites, les gens ne le disent pas. Faut le dire, c'est ce que le je disais, effectivement. Entendre. Moi-même, je demande que les gens le disent. Mais c'est si vous ne le dites pas, justement, c'est-à-dire que ce n'est pas vrai. Est-ce que justement les gens ont confiance à ces éléments de la police qui devaient justement mener ces investigations? C'est ça la grande question. Pierre Moulkié, pourquoi il y a ce manque justement de confiance de la part de la population? Ce que je dois dire, c'est qu'il n'y a pas manque de confiance à la police nationale burundaise. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas. Suite à la situation sécuritaire que le pays a traversée depuis l'année passée, il y a peut-être diminution de la confiance pour certaines gens. Mais la majorité de la population burundaise a confiance à la police parce que c'est elle qui intervient, c'est elle qui la protège tous les jours. Et même les invités ici, je pense qu'ils ont confiance à la police. Sinon, ils ne seraient pas venus débattre avec moi ici. Et sinon, ils n'auraient pas quitté sa maison aujourd'hui, sachant qu'il va passer sur les routes où il y a des agents de la police qui assurent sa sécurité. Il ne faut pas qu'ils mentent ou alors ils parlent en politique. C'est peut-être Pierre Mourquier. Non, vous n'aurez pas peur parce que depuis votre maison jusqu'ici, vous êtes passé sur des policiers. Est-ce que vous avez toujours peur? Oui, ce n'est pas toute la police, je l'ai dit. Et si vous aviez... Mais il y a des éléments quand même qui font peur. Non. Ça, il faut le reconnaître. Non, la police n'est pas... la police, je dois dire qu'au niveau de la police, il peut y avoir des policiers qui commettent des infractions. Ce sont des hommes. Mais tous les cas sont traités. Les policiers qui commettent des infractions sont arrêtés et traduits devant la justice. On peut même donner des chiffres. Nous avons des policiers qui ont été révoqués de ce corps pour avoir commis des infractions. Nous avons des policiers qui sont maintenant au niveau de la justice, qui sont en prison pour des infractions. Mais dire que la confiance, ça se mérite par des actes, je suis d'accord avec celui qui vient de le dire. Et effectivement, la police a mérité et mérite toujours la confiance de la population. Je sais très bien que même M. Tassier, s'il a un problème de sécurité, est-ce qu'il va appeler le journaliste? Non, il va appeler la police. Mais malheureusement, ça se fait. Il y a des gens qui appellent les journalistes au lieu de se diriger vers la police. Il peut me contredire. Faites appel que les gens fassent des dépositions au Mais ils déposent. Je peux, même maintenant, la police est en train de traiter des dossiers. Quittons même ici et allons, prenons une zone ici à Medo-Bujumbura. Vous allez trouver les bureaux des policiers pleins de gens. Bien sûr, il y a des crimes de droit commun naturellement qui sont toujours traités régulièrement par la police. C'est normal. Quels sont ces autres crimes qui ne sont pas qui sont liés à la crise? Est-ce que les gens viennent aisément pour vous dire j'ai perdu? Est-ce que face à la crise, il n'y a pas des gens qui ont été arrêtés? Il n'y a pas des dossiers qui ont été confectionnés? Il n'y a pas des gens qui sont recherchés? Je vous ai dit, il y a 6 000 qui ont été emprisonnés même. Est-ce que c'est cela qui va... D'où est-ce que vous tirez le chiffre? Je vous ai dit, office du haut-commissaire pour les droits de l'homme. Frère Emmanuel Nakartumana, pour vous, qu'est-ce qui peut inspirer ce manque de confiance entre la population et la police? C'est dommage qu'on ait évolué dans le sens de manque de confiance, parce que quand on a restructuré la nouvelle police et qu'on avait voulu en faire une police professionnelle, une police de proximité, il y avait eu une évolution très positive avec de bonnes formations. Et à l'époque, c'était même la tendance des journées portes ouvertes, qui ont commencé avec l'armée et qui ont aussi touché la police, et où la police prenait progressivement l'habitude de montrer qu'elle n'a rien à cacher, qu'elle travaille avec la population, et ça développait un mouvement de relations et de confiance. Et même du côté du service national de renseignement, la même ouverture de responsabilité et de reddition des comptes par rapport à la population commençait à se développer. Et c'est en fait avec la crise qui est intervenu en avril 2015, qu'on a senti une rechute et que la tendance est devenue celle de gérer une crise, peut-être avec des moyens de combat, beaucoup plus que des moyens de stabilisation sociétale, avec une police de proximité et proche de la population. Et alors, c'était même surprenant de voir qu'au début de la crise, la population avait tendance plutôt à s'approcher de l'armée que de la police. Et l'armée a connu elle-même ses problèmes. Et maintenant, on sent que la société vit une certaine cassure. Et ici, moi, je ne suis pas dans la logique d'accusation gratuite ou d'autodéfense gratuite aussi. Je crois qu'en analysant sociologiquement la situation, on voit qu'il y a une cassure au niveau de la société dont j'espère ne pas l'avoir évolué en éclatement social, où il y a une partie de la population qui se reconnaît dans la police, une autre partie de la population qui se reconnaît plutôt dans ce qui n'est pas la police ou dans ce qui a éclaté, se défaisant des structures étatiques qui existaient jusque-là. Or, ce cadre d'éclatement, en fait, casse même la politique nationale au niveau du capital social, où les gens ne se font plus confiance, ne risquent plus la solidarité de façon aisée. Et malheureusement, il faut faire très attention. Je vois aujourd'hui, nous sommes par exemple le 29 avril, où on voit qu'il y a des relents ethniques qui peuvent revenir dans la société et qui ont des incidences sur le climat sécuritaire. Et je pense qu'il y a urgence à ce que les responsables étatiques prennent les choses en main pour ramener un climat de confiance avec gestion bonne du capital social, et que, en fait, la loi devienne la maison qui protège tout le monde. Parce que si la police travaille pour protéger les lois, il faudrait qu'elle-même respecte la loi, que ce soit dans les arrestations, que ce soit dans les procédures judiciaires, que ce soit dans les délais légaux de ceci, de cela, le service de renseignement faisant la même chose. Et aussi longtemps que cela n'est pas respecté, ça devient difficile d'avoir confiance. Et aussi développer la confiance telle que la police avait commencé à le faire au début de sa nouvelle configuration, cela ferait en fait que la proximité de la police serait sentie comme protectrice et non comme menaçante. Et alors, je crois que la question de la confiance aujourd'hui est quand même une question capitale qu'il faut développer. C'est possible de la développer. Et à cela, je prends l'exemple de la question de la corruption, où les les gens disaient il y a corruption, une police corrompue, service national de renseignement corrompu. Mais depuis que la police elle-même a pris l'initiative d'installer ses positions avec une indication claire d'une police qui est en train de lutter contre la corruption, on sent qu'il y a un nouvel esprit, une évolution qui est en train de se développer. Et maintenant, au lieu même de fuir ces policiers qui sont sur les positions, il y a un climat de cohésion naturelle qui commence à se développer. Donc, je crois que ces débuts indiquent qu'il y a des choses possibles qu'il faudrait faire et où probablement les initiatives devraient venir des responsables de ces corps eux-mêmes pour développer de plus en plus un climat de confiance en respectant les lois, en respectant les procédures, en étant transparent, mais aussi en jouant sur la qualité d'une information responsable. Mosaïque. Je rappelle ici que vous êtes en train de suivre l'émission Mosaïque et que nous sommes en train de débattre des conditions sécuritaires actuelles. Monsieur le porte-parole de la police, vous aviez souligné un jour sur nos ondes et le ministre de la Sécurité aussi l'avait dit que désormais, lorsque vous allez opérer des fouilles perquisitions dans les quartiers, vous allez justement apporter des mandats d'arrêt, vous allez vous accompagner justement de l'administration pour éviter des rançons qui ont été signalées du côté de la police, mais cela n'est pas justement fait. Qu'est-ce qui manque? Je pense que ce qu'on a dit est fait sur le terrain. Plutôt, il faut peut-être réexpliquer ce qu'on avait dit. Mmh. On n'avait pas dit que la police ne respectait pas la loi pour mener ses opérations. On avait dit que, en principe, la procédure pour aller arrêter quelqu'un, pour aller faire des fouilles et perquisitions, c'est que la police le fait d'abord à respecter les heures légales de 6h à 18h, et puis que la police doit se munir d'une pièce de la justice qui indique que la personne a arrêté ou a fouillé les maisons, tout ça. Et quelle pièce la police doit présenter à la personne concernée avant cette opération. Et ça, c'est la procédure normale. Alors, il y a deux exceptions à cette procédure légale normale. La première exception, c'est quand il y a une vie humaine en danger, l'intégrité physique humaine est en danger. Et la deuxième exception, c'est quand il y a flagrance d'un crime qui est en train de se commettre. On peut pas, quand il y a quelqu'un qui veut tuer quelqu'un, on ne peut pas aller chercher une pièce de justice. Alors, ce qu'on avait observé, surtout dans ces quartiers où il y avait l'insurrection, c'est que la tendance était plutôt les exceptions à la règle. Parce qu'il y avait toujours le risque d'une grenade qui pouvait exploser à n'importe quel moment. Là, ça veut dire qu'il y a une intégrité de la personne physique humaine en danger. Dans ce cas, la police peut agir à n'importe quel moment et sans avoir passé par la procédure normale. Alors, pendant tout ça, c'est cette exception qui était appliquée dans ces endroits-là. Maintenant, alors que le mouvement insurrectionnel a été arrêté, on revient à la procédure normale. C'est ce qu'on avait tenté de Il y a de cela justement 2 mois, vous vous l'aviez dit, il y a à peu près un mois que le ministre de la Sécurité l'a encore souligné. Il n'est pas indiqué dans la loi que l'administration doit savoir que la police est en train de mener une opération. Et ensuite, pendant la fouille et perquisition, on peut arrêter des personnes. Il peut y avoir des criminels qui étaient recherchés, qui peuvent être arrêtés. Et puis... Et pendant la fouille et perquisition, on peut arrêter des gens avec qui détiennent, par exemple, les objets du crime qui sont recherchés. Tassien Siomana, je vois que vous vouliez réagir à ce propos. D'abord, je dois dire que désormais, si on prend au mot le porte-parole de la police, c'est plutôt l'exception qui est devenue la règle. Parce que la règle, en principe, c'est que toute perquisition est effectuée par un OPJ, d'abord un OPJ, sur mandat d'un officier du ministère public. Donc ce n'est pas n'importe quel policier, ça c'est le code de procédure pénale qui le dit. Peut-être qu'il a dit, qu'il a souligné que c'est ça, ça dans les conditions normales. Voilà, ça justement c'est ça la règle. Mais maintenant, quand il parle justement de questions de flagrance qui est une exception, qui est consacrée par la loi, est-ce que réellement, quand on boucle les quartiers et qu'on ramasse des gens, est-ce que nécessairement il y a flagrance? Pas du tout. À une bonne heure, on trouve qu'il y a un quartier, qui est ceinturé, et on entre dedans, on ramasse des gens. Ce n'est pas nécessairement dit que ces gens sont appréhendés sur base des objets ou des armes qu'ils détiennent. Mm-hmm. Si c'est local, normalement, la loi, justement, accorde cette dérogation, cette exception. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est ce qui est ? Non. Justement. Je suis obligé de dire que non. S'il y a une flagrance, effectivement, même sans mandat de perquisition, on peut le faire. Troisième aspect de mon intervention, on perquisitionne, on saisit des biens, on saisit des choses. Même s'il s'agit des armes, on doit faire un procès verbal de saisie. C'est ce qui le doit être avait signé et par le perquisitionné et par l'OPJ qui a opérer la perquisition. Mmh. Et c'est ce qui est fait. On entend ici et là qu'il y a des boutiques qui ont été pillées, qui ont été vidées par ces éléments qui sont allés perquisitionner. Est-ce que c'est la loi qui le dit ? Est-ce qu'il y a des procès-verbaux de saisie ? Je dis bien, même s'il s'agit d'une arme qu'ils récupèrent, ils doivent consigner ça dans ce PV. Et ce PV doit être contresigné par l'inculpé, quitte à ce que cela serve de preuve devant les juridictions lors de l'instruction préjudictionnaire et même juridictionnaire. Mmh. C'est ça la procédure. Le reste, c'est devenu une exception qui a été consacrée par la police elle-même, mais qui n'a rien de légal. Oui, bien, Olivier. Je pense que ce qu'il est en train de dire vraiment archi fort. Mm-hmm. Toutefois, perquisition est menée par il y a toujours un OPJ. Un ou deux OPJ sont toujours avec l'élément de la police qui mène une fouille perquisition. Et l'OPJ a la pièce qui vient de la justice, le mandat de perquisition. C'était justement dans le sens de dire, parce qu'on soupçonne certains éléments de la police comme commettant des exactions, autant les accompagner par des agents de l'administration pour, en fait, recréer justement cette confiance entre la population et la police. Cela viendra petit à petit, mais il y a eu un moment dans certains quartiers, suite à la situation que vous connaissez, où on ne pouvait pas s'accompagner d'autres personnes parce que la confiance n'était pas là. Ou alors, si on informait ces personnes, ils allaient dire à la personne qui est recherchée que la personne pouvait fouiller. C'est ce qui va se faire petit à petit avec la normalisation de la situation. Quant à la procédure, quand il y a... D'abord, il a parlé des quartiers qui sont bouclés, je ne sais pas où. Et ensuite, lorsque... on fait la fouille et perquisition, il y a toujours un OPJ et qui a la pièce le mandat de perquisition. Si vous dites Kamusaga, c'était pas ça qui était fait, est-ce que vous avez demandé à l'OPJ quelle est la pièce de justice? Il doit le brandir, parce que la pièce. C'est l'article mais 85 du code de procédure. Mais il ne le brandit pas un journaliste. Il le brandit à la personne qui est perquisitionnée. Mais mal après, c'est ça en fait les actes qu'il faut poser pour mériter la confiance. J'allais continuer au niveau de la... Et puis à la fin de l'opération, il y a un PV, il y a un procès verbal qui est signé. Pour le fait de contresigner par la personne perquisitionnée, si elle est. C'est systématique. Parce qu'on ne peut pas trouver la personne là-bas. Mais là, il faut toujours mettre au moins deux témoins majeurs. Et c'est ça la procédure légale et c'est ce qui se fait. Il peut y avoir non-respect des règles. Mm-hmm. Et ça, ce n'est pas un cas général. Et chaque fois qu'il y a un non-respect des règles au niveau du parquet, le ministère public peut refuser certains PV ou refaire des enquêtes. Mm-hmm. Au niveau de la procédure pénale, il y a toujours... C'est hiérarchisé. S'il y a eu vice de procédure à la base, on peut toujours... corrigé en haut. Et les personnes sont impliquées sont invitées à dénoncer de possibles vices de procédure. C'est le droit de le dire devant l'OPJ ou alors devant l'officier du ministère public. Frère Emmanuel Nakartimane, vous jugez que c'est vraiment utile d'apporter ces mandats d'arrêt ou ces mandats de perquisition ou de s'accompagner de l'administration? C'est pas que je souhaite ou que c'est le respect de la loi. Aussi longtemps que la loi ne devient pas quelque chose qui protège tout le monde, ce pays va tourner de façon pathologique. Or, le respect de la loi, la police a la responsabilité de faire respecter la loi. Et faire respecter la loi, ça suppose qu'elle-même respecte la loi, respecte les procédures. Et ça suppose que la police, telle qu'elle était en train d'évoluer, devienne une police qui est sérieuse avec la reddition des comptes et qui soit protectrice de la population. Ce n'est pas une police qui est d'abord protectrice d'un système. C'est la police protectrice de la population. Ça risque d'être le cas. Oui, oui. Et alors, si on respecte la légalité au niveau de tout ce qui est prévu dans la Constitution et que la police fonctionne suivant ses normes et rend des comptes et explique aussi à la population ce qu'elle est en train de faire, c'est ça qui fait advenir la confiance. Et alors, il sera important aussi que la population respecte la loi. Donc, que la loi devienne l'outil de tout le monde, la maison de protection de tout le monde, et que les services de sécurité, les services de défense soient des institutions qui aident justement à redonner la qualité et la valeur au respect de la loi, en commençant par la respecter elle-même. Oui, Monsieur Pierre Angouliquier, vous êtes porte-parole de la police. Justement, on aimerait savoir, aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir différencier ces cas d'arrestation. Une personne aujourd'hui est arrêtée par la police, sa famille passe une semaine, deux semaines sans savoir de ses nouvelles. Et une personne, si aujourd'hui, il est kidnappé par ces groupes qu'on a dit qui kidnappent des gens et justement est porté disparu. Pourquoi il n'y a pas de différence? Ici, je pense qu'il faut que je répète ce que j'ai dit au public. Mm-hmm. C'est que toute personne qui est appréhendée par la police, en principe, la population peut aller au niveau de chaque poste de police pour demander où se trouve la personne qui a été appréhendée par la police et quelle est l'évolution de son dossier. Plutôt que d'aller ailleurs, je pense qu'il faut que la population sache qu'une personne qui est appréhendée, elle a des droits. Et même arriver au niveau de la maison de détention, lorsque la famille n'est pas informée, l'officier de police judiciaire peut appeler la famille pour lui dire que la personne a été appréhendée. Parce que des fois, il y a des personnes qui sont appréhendées sur les lieux de travail. Et lorsque la famille n'est pas informée, et je conseillerais même aux OPJ d'informer les leurs pour chaque personne qui a été appréhendée pour qu'ils viennent le voir et ils viennent suivre l'évolution de son dossier. Justement, si une personne est arrêtée à la maison, et pourquoi donner ce travail aux gens, aux membres de sa famille, de venir chercher? Pourquoi si un policier arrête une personne chez lui et ne dit pas à sa famille, voilà, aujourd'hui il est arrêté, vous allez le trouver ici, ici ou là-bas? Et en principe, si le policier s'est muni de la pièce qui vient de la justice, c'est même indiqué sur la pièce quel est l'officier du ministère public qui recherche cette personne-là. Quand la police arrête quelqu'un à la maison, je pense qu'à ce moment, la famille essaie qui a arrêté la personne et où la personne va être dirigée. Oui, ça c'est en période normale, vous l'avez souligné, mais dans ces conditions où il y a une personne est arrêtée dans des conditions qui ne sont pas normales, il n'y a pas de mandat d'arrêt, pourquoi justement donner son travail à la famille? Pourquoi un policier qui arrête une personne ne dit pas à sa famille et voilà, vous allez le trouver ici? En principe, il doit le dire. Toute personne qui est arrêtée, que ce soit au niveau de la procédure normale ou pendant les exceptions qu'on a relevées. Et en principe, tout policier qui arrête une personne doit dire à la famille où il amène cette personne et pour quelle infraction la personne est arrêtée. C'est celle qui n'est pas faite, justement. Ouais. Justement, c'est là où je disais que l'exception est devenue la règle. Maintenant, je ne suis pas convaincu si le porte-parole de la police peut nous faire plus ou moins un bilan quant aux gens, vraiment au nombre de personnes qui sont arrêtées de façon régulière. Je doute fort. Il peut être de bonne foi, mais je doute fort qu'il lui-même aurait des difficultés à nous faire ce bilan. Pourquoi? Il y a des gens qui ont été arrêtés, on voyait dans une double cabine, on essayait de cacher avec des tentes. Des gens qui sont entassés dans une double cabine et où on met des tentes dessus pour que les gens... Ça n'a jamais existé. Vous pouvez donner le cas. Écoutez, ou alors, comme je vous l'ai dit, de toute façon... Vous n'avez pas pris même une photo. De toute façon... Si ça se serait produit, les photos auraient été vues sur les réseaux sociaux. De toute façon, ce que nous disons, nous le vivons au quotidien comme tous les autres Burundais. Si je fais vraiment une révélation... première, je voudrais bien m'en excuser. C'est une révélation dont vous n'avez aucune preuve. Autre aspect. Effectivement, vous vous dites il faut que le PJ dise à la famille où il amène la personne. D'abord, principe, la documentation n'est pas une maison d'arrêt d'ordinaire ou un cachot. Mais maintenant, même si un OPJ arrête une personne, d'après... les renseignements que nous avons. Si vous faites une fouille perquisition et que vous arrêtez une ou deux ou trois, quatre, même beaucoup de personnes, la tendance est de les faire transiter nécessairement par la documentation. Pourquoi ? Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Mais c'était aussi une triste réalité qui est là. Ce n'est pas vrai. L'autre aspect, c'est que vous ignorez ou vous le faites sciemment, soit vous ignorez ou vous le faites sciemment, qu'il y a des maisons où on fait emprisonner des gens qui ne sont pas connus. De par la loi. Il faut le dire. De par la loi. Il faut le dire au public. Là, ce n'est pas des accusations graves. En fait, ce sont des accusations. Donner l'adresse. Oui, que tout le public... Il y a une maison... Donner l'adresse à quelle avenue, quel numéro. Il y a une maison à Chibitoki sous forme de terre, d'ailleurs. Oui, c'est ouais. à quelle avenue et okay, si tu veux des informations, je peux te les donner. Et je suis sûr que tu le sais. On va évoluer. Je ne le sais pas. Même ici, aux côtés des tombes de l'ancien président Dadaïe et autres. Je sais qu'il y a des gens qui ont été emprisonnés là-bas. Et pourtant, ce n'est pas un cachot officiel. Monsieur le porte-parole, vraiment, nous contribuons pour que vous changiez. Et c'est ça qui va vous faire mériter la confiance de la population. Sinon, ce n'est pas vrai. Les membres de la famille cherchent partout. Ce que vous dites, c'est archi faux. Nous avons eu à inviter les journalistes. Ok, encore une fois. Sangane, peut-être à ce moment, on ne travaille pas. Nous avons eu à inviter les journalistes pour aller visiter ces endroits qui étaient cités par des organisations qui produisent des faux rapports et certains politiciens comme l'autre. Et on a invité les journalistes, on a fait des reportages pour montrer que des endroits que vous citez n'ont jamais été des maisons de les endroits, ces endroits, comment est-ce qu'un endroit ne peut pas exister? Est-ce que personne n'a jamais arrêté là, parce qu'il y en a même qui... Il y en a qui sont sortis de ces Tout d'abord, les endroits que vous indiquez, il n'y a pas de maison où on peut détenir les gens. Et c'est ça le comble. Est-ce qu'ils étaient détenus? Et pourtant, ils ont été détenus sous les arbres. Une autre révélation. Ils étaient détenus. Une autre révélation, tu vas vérifier. À la documentation. Non, ce sont des fausses révélations. Les deux, ce sont des fausses révélations. Au moins, tu vas vérifier encore une fois. Si tu as vérifié l'autre fois, tu peux repasser pour voir. Non. À la documentation. Je vais terminer par là. Bon, pardon, on ne pourra pas. Je pense que. Même maintenant, on peut partir d'ici et aller dans ces endroits-là qui viennent d'Emic. Vous n'allez pas trouver une seule personne qui est détenue là-bas. Si vous voulez, allons-y directement. Quittons le studio et allons directement. Est-ce que ça n'a pas été le cas? Partir des fausses allégations qui ont été toujours portées, développées par certains politiques, certaines organisations de la société civile. Il n'y a même pas une personne qui a été détenue. Est-ce que les personnes qui auraient été détenues dans ces endroits, est-ce qu'elles ont été libérées ou les dossiers commencent? Il y en a qui ont pu échapper. Je ne dirais même pas libérées. Il y en a. Ce n'est pas vrai. Nous allons évoluer. Moi, je pense que quand on est dans une telle émission... Le médecin, entre-temps, il a dit que si vous voulez des informations... Tout ce que je vais lui dire d'abord, c'est que les deux exceptions sont consacrées par la loi. Oui, je sais. Mais ce sont des exceptions. Ce n'est pas des règles. Ok, on va évoluer. Tout d'abord... Oui, nous allons cheminer vers la fin de l'émission. Avant de terminer l'émission, on ne peut pas ne pas parler justement de ces tueries qui s'observent ces derniers jours, les tueries qui ont même atteint les hauts gradés de la police et de l'armée sur le porte-parole. Il y a de la criminalité, c'est vrai. Que ce soit la criminalité ordinaire ou alors la criminalité inhabituelle comme celle qui consiste à faire des assassinats ciblés pour les hauts gradés. Mais les forces de l'ordre font face à cette nouvelle forme, entre guillemets, de criminalité. Mm-hmm. Et les dossiers sont en cours. Mm-hmm. Nous demandons toujours, pour chaque cas, à toute personne qui aurait été témoin ou qui détiendrait des informations, de les fournir à la police qui est en train de mener des enquêtes, mm-hmm. afin que la vérité soit mise au grand jour, mm-hmm. et que les vrais criminels soient appréhendés et traduits à la justice. Mm-hmm. Mosaïque. Frère Emmanuel Nakaltimana, quand les tueries arrivent même jusqu'au gradé qui devait justement assurer la sécurité pour les gens, est-ce que ce n'est pas trop inquiétant? Bon, les tueries, quand on est pour la défense et la promotion des droits de l'homme, il n'y a pas de haut gradé ou de petit gradé. Mm-hmm. C'est la personne humaine qui est en souffrance. La différence peut-être que vous voulez souligner, c'est au niveau du signal symbolique. Qu'est-ce qu'on veut donner comme signal à la société? Et aussi comme nous sommes dans un contexte politiquement très chargé, quel symbolisme politique on est en train de développer comme mode d'expression et de négociation. Et alors là, ça peut devenir très inquiétant parce que si on prend quand même des officiers dans certains niveaux, au niveau de la société, et avec une expérience avérée, qui a contribué à construire la nation et qu'on les élimine, qu'est-ce que ça veut dire comme expression? Quel est le signal que l'on est en train de donner à la société? Et c'est justement ici, réfléchir en termes de simple criminalité devient risqué parce qu'il peut y avoir une criminalité qui a un symbolisme et une charge forte de telle façon que la gestion doit tenir compte aussi de cette charge symbolique. Mmh. Et c'est d'ailleurs pourquoi quand on promet des investigations et des résultats pour ce genre de cas avec des délais précis, si on n'arrive pas à le faire, ça contribue à décrédibiliser en fait un certain type d'expression. Et aussi, ça n'aide pas à contenir la culture de l'impunité. Et alors, je pense que quand on en vient à ce genre d'assassinat ciblé de haut niveau, au niveau des officiers, il y a un signal probablement politique qui manifesterait le besoin de revoir le type d'insatisfaction qu'il y a dans la société, le type de langage qui est en train d'être utilisé autour de ces insatisfactions, mmh. et qu'on voit dans ce cadre comment, à travers l'histoire, on arrive à des résultats qui gèrent la société et qui portent la société à une sortie de crise. Mmh. Et alors, je pense que ce qui est important, ce n'est pas de faire la politique de l'autruche, mmh. c'est plutôt d'oser affronter de façon responsable la situation. Et s'il y a un problème politique, l'affronter et gérer ce problème politiquement et arriver à une solution. Mmh. Mais dans tous les cas, ce qui est arrivé depuis quelques mois mériterait qu'il y ait une réflexion sérieuse et responsable, engageant des voies de sortie pour la société burundaise. Oui, Tassia Sibomana, est-ce que les tueries sélectives qu'on observe ces derniers jours, qui ont atteint même les corps de défense, est-ce que ce n'est pas trop inquiétant? Oui, c'est trop inquiétant parce que justement, comme le disait Frère Emmanuel, tout en ayant les mêmes droits, que tu sois gradé ou moins gradé en termes de droits et libertés, quand on tue un haut gradé, ça a des répercussions plus importantes au niveau de la société que si c'était un simple citoyen. Mm-hmm. Pour les défenseurs des droits de l'homme, effectivement, ça a la même ampleur, mais au niveau de la société, ça n'a pas du tout la même ampleur. Mm-hmm. Pourquoi ? Vous tuez un général qui est supposé voir sa garde Un simple citoyen se demande qu'adviendra-t-il de moi qui marche à pied, qui n'a plus de sécurité rapprochée. Et ceci pour dire, finalement, le degré d'insécurité est arrivé à une étape telle que même ceux qui nous rassurent, qui nous protègent, ne sont plus protégés. Et à ce moment-là, la peur gagne les esprits des gens, d'où d'ailleurs des gens peuvent fuir suite à un assassinat d'un individu ou de quelques... Je vous donne l'exemple. Moi, j'ai suivi les commentaires des gens suite à l'assassinat de la famille du général Kararouza. Ils étaient à trois dans une même jeep et ils ont été tous tués. Ça a créé un frisson dans les esprits. À tel assassinat que je doute fort qu'il y en a qui peuvent fuir suite à cet assassinat. Ne fût-ce que suite à cet assassinat. Donc, pour vous dire que, quelque part, nous devons être très conséquents. C'est vrai, les personnes, en termes de droit, s'équivalent, mais socialement, ça ne signifie pas la même chose quand on élimine un grand chef que si on élimine un simple citoyen. C'est dommage, mais c'est la triste réalité. Donc, ceci démontre que nous devons tout faire pour arrêter cette mascarade de violence. Justement, c'est là où on va, monsieur le porte-parole de la police, avoir les conditions sécuritaires actuelles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la situation change? Comme je l'ai toujours dit, il faut que tout le monde respecte la loi. Que la police qui est chargée de faire, qui a la responsabilité de faire respecter la loi, ainsi que les autres institutions, fassent leur travail. Que s'il y a une loi qui est là, s'il n'y a pas des gens qui aillent à l'encontre, si les gens respectent la loi, eh bien, la situation ne fera que s'améliorer. Même si on ne va pas entrer encore une fois dans les détails, ça fait un long moment que ça se fait. C'est depuis l'assassinat du général Adolphe Nshimi Manali, il y a beaucoup eu d'assassinats ciblés. Et qu'est-ce qui est fait justement par la police pour arrêter ces assassinats ciblés? La police mène des enquêtes pour chaque cas. Il y a des gens qui ont été appréhendés, des criminels qui ont été appréhendés depuis ces assassinats ciblés. Il y en a d'autres qui sont toujours recherchés par la justice. Mais les enquêtes qui n'aboutissent pas finalement parce que depuis cette époque, nous n'avons pas eu de rapport d'une enquête quelconque. Les enquêtes aboutissent parce que les dossiers sont transmis à la justice. Et je pense que vous avez suivi les accusés, par exemple, dans l'assassinat du général, du lieutenant général Adolphe Chimilimana. Ils ont comparu devant la justice, je pense. Frère Emmanuel Nakartimana, qu'est-ce qui devrait être fait justement pour que la situation sécuritaire aujourd'hui change? Changer la situation sécuritaire, ça suppose que nous puissions faire face aux mémoires blessées dans cette société. Et c'est peut-être même dommage qu'on voit qu'avec la dernière crise, il y en a qui se remettent de nouveau à des sollicitations de la fibre ethnique. Et j'espère que cela va se résorber assez rapidement sans prendre de l'ampleur. Nous devons rester conscients que nous devons gérer des mémoires blessées et où il faut faire très très attention dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait, dans les méthodes de travail que l'on utilise. En deuxième lieu, je crois que les responsables de nos institutions peuvent faire un travail utile pour amener la confiance dans les institutions. Je le disais il y a quelques instants, quand on voit le travail qui est en train de se faire autour de la corruption et qu'on commence à nous manifester que la police est contre la corruption avec un volontarisme politique clair, cela aide et ça ramène la confiance. En troisième lieu, le commissaire vient de le dire, le respect de la loi. Évidemment, ce n'est pas la population seule qui doit respecter la loi. C'est tout le monde, y compris la police, y compris le service national de renseignement, y compris les autres institutions de l'État, les responsables des institutions, que chacun respecte la loi et fasse tout selon ce qui est prévu par les différentes dispositions de la loi et qu'on respecte les procédures. Cela est crucial, qu'il n'y ait pas un usage perspectiviste de la loi ou un usage opportuniste de la loi, mais que dans l'ensemble, nous soyons un peuple qui ait une culture du respect de la loi et qu'on rompe de façon définitive avec la culture de l'impunité, cela est crucial. Le reste sont des gestions politiques qui sont nécessaires, notamment dans l'évolution vers un dialogue autour des questions qui hantent la nation. Il y a tout le flot de déplacés, de réfugiés qui constitue quand même un facteur symbolique de violence et d'insécurité. Donc c'est un travail complexe qu'il s'agit d'entreprendre, mais où il s'agit d'interpeller chacun à sa responsabilité pour que nous tous, chacun se mette au travail. Tassian Sivomana, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que la situation sécuritaire aujourd'hui s'améliore? Merci. D'abord, comme les autres l'ont si bien dit, il faut que nos corps de défense et de sécurité soient réellement professionnels et respectueuses de la loi. Qu'elles ne soient pas manipulées au profit d'un individu ou d'un système qui change tout le temps, alors que ces corps sont voués à durer dans le temps. Ça, c'est le premier aspect. Tant qu'on n'y est pas encore, moi je n'ai pas peur de le dire, qu'on a besoin des forces de protection de la population, en attendant que ces corps soient réellement professionnels. Parce que, comme les Burundais ne peuvent pas... Oui, oui. Maintenant, on a parlé de crise de confiance, c'est une triste réalité. Donc en attendant cela, pour moi, c'est dommage que cela n'ait pas lieu, mais la force est nécessaire pour arrêter ces violences. Et deuxième aspect, je suis en face d'un commissaire. Dans ces assassinats, dans ces massacres, il y a toujours un mobile. Quand vous faites une bonne instruction d'un dossier, vous devez répondre à la question, quel est le mobile de crime? Or, le mobile est présentement politique. Son mobile politique doit trouver une solution politique. Ça répond en même temps à la nature de la crise. La crise est née suite à un problème politique. Et cela doit être résolu politiquement. D'où l'intérêt de passer à la phase de négociation entre les différents acteurs pour remettre le Burundi sur les rails de la démocratie et du respect de la Constitution. Et cela a comme conséquence, effectivement, le retour de la paix et de la sécurité. Parce que cette insécurité est inhérente à cette crise politique. Tant qu'on n'a pas encore trouvé la solution à la crise politique, on n'aura pas la sécurité entière. C'est une triste réalité. Oui, merci. Et c'est la fin de cette émission. Nous remercions nos invités. Nous remercions le porte-parole de la police nationale, Pierre Moulikié. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous remercions frère Emmanuel Nakarutimana pour avoir justement répondu à notre invitation. Merci. Merci à Tassian Sivomana pour avoir participé dans l'émission Mosaïque. Je vous remercie également. Marion Jonzeimana a été la présentation et une bonne journée à tout le monde. Mosaïque.